Mercredi 3 octobre, 22h. Tiens, de nouvelles têtes. Tiens, cet après-midi, comme une cargaison de fruits mûrs, voici qu'on nous livre de nouveaux détenus. Et voilà que l'un d'eux s'approche, et vient assister à la partie d'échecs qui m'oppose à Nasser. C'est un garçon de grande taille, la quarantaine. À cet âge, au Beaumette, on fait déjà partie des anciens. Je l'accueille avec le sourire, bonjour, je m'appelle Bruno. À présent, je me présente avec assurance. Ce ne sont plus ces bonjours timides que je chuchotais au début. Maintenant, la cour est mon jardin. Salut, moi c'est Alexandre. Alexandre est un homme qui me dépasse de taille. Il est métisse. Il doit venir des Antilles, de la Martinique ou de la Guadeloupe, je suppose. Alexandre sait jouer aux échecs, bienvenue au club. Alexandre n'arrive pas tout seul ici. Il a amené avec lui un ami. Un type incarcéré ici en même temps que lui. Comment se fait-il qu'ils se trouvent écroués tous les deux au deuxième nord? Mystère. Peut-être sont-ils tombés ensemble pour? Voilà que je commence à faire comme les autres. Que m'importe de savoir pourquoi ils sont là? Qu'ils soient les bienvenus. L'autre s'appelle Abdel. Abdel porte une longue barbiche taillée. Il a le crâne rasé. Il ressemble à un adj. Pendant que je joue avec Alexandre une première partie, Abdel me parle d'Allah et de son prophète. Je l'écoute d'une oreille distraite. Alexandre et lui se connaissent d'une même cité, des quartiers nord de Marseille. Alexandre a été placé à la cellule de XX6. C'est mon ancienne cellule. Celle que je partageais avec Patrick. Il se plaint de l'avoir trouvée sans plus rien qui marche, pas d'ampoule au plafond, pas de télécommande pour la télé et pas de frigo. C'est bizarre, quand j'ai déménagé tout fonctionnait encore. Je présume que certains ont dû se servir en passant. Ça m'apprend. La prochaine fois que je quitte une cellule, j'emporte tout, ampoule, télécommande, et tout ce qui pourra s'emporter. Là au moins j'aurais pu dépanner Alexandre. Nous jouerons lui et moi deux parties d'échecs, pour tester son niveau. Ça va. Plus tard, en fin d'après-midi, nous marchons un moment. Abdel nous accompagne. Ce sont deux personnes très fréquentables me semble-t-il. Ils iront bien au deuxième nord. Je leur parle de l'école et je les invite à s'y inscrire. Il y a encore de la place. Alexandre me demande si je me souviens de lui. Comment pourrais-je me souvenir de lui? C'est bien la première fois que je le vois. Ou alors était-ce de cela, il y a 20 ans, dans une cité des quartiers nord? Tu te souviens pas? C'est toi qui étais hier au parloir avocat. Tu ne te souviens pas que je t'ai parlé? Ah bon, le type d'hier dans la salle d'attente, avant qu'arrive Michel, c'était lui. Tu sais lui dis-je, j'évite de trop parler avec les détenus des autres quartiers. Je pouvais pas savoir que tu étais aussi au deuxième nord. Il me sourit gentiment, c'est vrai que je ne te l'ai pas dit non plus. C'est vraiment un garçon subtil. Je rentre en cellule parfaitement détendu. Je prends le goûter, du pain d'épices, et je bois un café avec Bébert, qui est resté enfermé tout l'après-midi. Il en a profité pour faire le grand ménage. Le sol de ciment noirâtre de la cellule brille comme un sou neuf. Nous jouons, jusqu'au repas, aux mots fléchés. Après le dîner, avec Jean-Marie, nous ferons une belote à trois et rigolerons beaucoup. Bébert possède une paire de chaussures de golf, et il s'étonne qu'à chaque fois qu'il passe sous le portique, elle sonne, ce qui l'oblige à se déchausser. Il nous montre ses pompes. C'est vrai qu'il ne lui manque plus que le caddie et les clubs. Tu m'étonnes que ça sonne. Hier, au parloir, je disais à Michel, combien je pensais que ma place était d'être en prison. Elle m'a conseillé de ne pas trop m'y installer. C'est le risque en effet. Ici je suis nourri et logé, je suis protégé du monde extérieur, et je ne ressens plus vraiment de menaces. Pour l'instant au moins. Le plus grave, peut-être, c'est que l'oisiveté me gagne. Dans le livre que je lis actuellement sur les trous noirs, il est écrit qu'un trou d'un milliard de masses solaires a une densité moyenne 100 fois plus faible que celle de l'eau. Comme dans un trou noir diffus, et concentrationnaire, ici je flotte, immobile. Le temps s'est ralenti jusqu'à presque s'arrêter. Je pense bien que jamais je n'en sortirai.